Direction Aubervilliers, prochain train dans 1 048 320 minutes. Depuis qu'il y a la construction du métro vers la mairie, ça a fait beaucoup de bouchons. Il y a beaucoup de monde, c'est compliqué pour circuler. Et ça fait longtemps qu'il est en construction quand même. Et moi, je pense pas qu'ils ont avancé, parce qu'on dirait pas que ça avance. Depuis longtemps, ils nous disent que ça va pas tarder, mais je pense que d'ici 2 ans, c'est bon. Je pense, je le crois, je suis pas sûre. Je sais pas, ils disent ils ont trouvé un problème de sol, ils font des congélations du sol ou quelque chose comme ça. Mais c'était pas pour normalement. Depuis 2012-2017, ça fait plus encore 5 ans. C'est vraiment pour les commerçants, c'est quelque chose de pénible. Hein. Je pense que c'est le manque d'argent parce que s'il n'y a pas beaucoup d'ouvriers, c'est qu'ils n'ont pas assez d'argent pour peut-être les payer. Ou peut-être qu'ils n'ont pas d'argent pour les matériaux ou je sais pas. Ouais, il manque quelque chose, l'argent. D'après les échos des différents ouvriers qui travaillent actuellement sur le chantier, ils estiment fin 2021. Après, tout dépend de l'avancée et surtout du problème majeur qu'ils ont évoqué, notamment sur le refroidissement des parois dû à la nappe phréatique en dessous d'Aubervilliers. Ils sont incompétents, il faut le dire, un peu. C'est vraiment de l'argent. Mais non, parce que sinon, il lancerait pas le projet. Ouais, c'est vrai, s'il y avait un manque d'argent, je pense qu'il lancerait pas le projet. Mais je pense qu'il manque des ouvriers. Enfin, pas des ouvriers, des gens du chantier. Parce que quand ça a débuté, je voyais que c'était un grand chantier, mais je voyais pas beaucoup de personnes dedans. Genre 10 personnes, pas beaucoup. Quand il y avait un grand trou, je me rappelle, il y avait un grand trou au rond-point, là. Et il y avait pas beaucoup d'ouvriers. Je sais pas si on appelle ça comme ça, mais d'ouvriers. Du coup, je pense que c'est un manque de participation des gens. Ça travaille pas tous les jours. Quand il pleut, bah, ils travaillent moins. Quand il y a du soleil, ils travaillent pas. Quand il pleut, ils travaillent pas. Ah oui, quand il y a du soleil, ils se reposent. Quand il pleut, ils travaillent pas. C'est compliqué, quoi. Ce métro, on le verra dans 20 ans. Le paysage, hors de pointe, voiture, klaxon, les travaux. Avant, c'était encore pire, mais ça gêne toujours. Il y a toujours l'embrouillage, quand vous voyez maintenant comme ça, vous ne serez pas à l'aise. Blocs de pierre, les planches, etc. La poussière, je vous avoue qu'il faut laver tout le temps l'hiver, etc. Ou il faut toujours la laver parce que ça dégage pas mal de saleté. Mais bon, on commence à avoir l'habitude. Après, on n'y peut rien, hein, c'est les travaux, c'est comme ça. Hein. Vous ne pouvez pas faire à manger avec toutes les poussières, les gens commencent à réclamer. Même nous, on a trouvé que c'est vrai. Il y a beaucoup de poussière, il y a beaucoup de nuisances. Donc, vous ne pouvez pas travailler comme ça. Faites à manger, les gens viennent, il faut trouver quelque chose de propre, quelque chose de... Et comme vous voyez, ça fait 2 ans qu'on a arrêté la restauration. Espérons un jour, on va... fin 2021. On ne sait pas, est-ce que c'est vrai ou ça sera comme avant aussi. On a l'impression que ça avance les travaux et à la fois, ça avance pas, mais bon. On commence à... Je pense que dès la fin des travaux, ça va être un nouveau décor, mais ça va, je pense, enjoliver la place. Bon, je me dis que c'est un mal pour un bien. Hein. Voilà. Il faut de la patience. Oui, de la patience. Comme les autres. Déjà, les gens, ils ont attendu plus une dizaine d'années. Moi, ça fait que un an que je suis ici, donc je peux encore attendre au moins 2 ans. Et je pense que ça va être très pratique pour se déplacer. Au lieu de prendre plusieurs bus, on pourra prendre que la ligne de métro. Le plus compliqué, c'est le 249. Il met beaucoup trop de temps, il n'y en a pas assez. Ils en ont mis plus, non ? Ils en ont rajouté 2 ou 3, et c'est même pas des nouveaux bus, c'est des anciens bus. Il y a plus de police que de bus. Avec l'ouverture, c'est quelque chose de bon. Mais là, ça dure vraiment. Les gens souffrent, les transports, comme vous voyez, il y a les bus, mais des fois, il faut attendre, il faut... C'est quelque chose de bon pour les habitants. Hein. Mais si un jour il ouvre. Vous voyez, à l'époque, il y a une vingtaine d'années, il n'y avait pas le millénaire, c'était une déchetterie. Maintenant, il y a voilà, un centre commercial, il y a des nouveaux bureaux comme Veolia qui sont installés, ou le quartier de Chanel. Donc, c'est pour vous dire comme quoi, voilà, c'est une ville qui est en développement et c'est pas que du bonheur d'être ici. Aller au Stade de France à pied. Alors je longer sais. Le canal. Vous allez longer le canal, mais quel côté C'est de ce côté, c'est sûr. Ouais. Faut. À gauche peut-être plus là. Ouais, peut-être plus à gauche. Après il y a des ponts. Ouais, donc on va descendre à gauche et puis on voit par là. Ouais. C'est par là. Ouais. Ok, merci. Au revoir. Moi, je préfère la marche, c'est plus rapide. Par exemple, des fois, je me dis je vais prendre le bus, mais au final, j'arrive avant le bus parce qu'il y a trop de bouchons, et il y a beaucoup de contrôleurs aussi. Donc, j'espère qu'il n'y en aura pas autant dans le nouveau métro. Mais bon, je crois qu'on sera déjà tous partis d'Aubervilliers quand il sera fini. Donc, ça va. Les tickets et les passes Navigo coûtent très cher. C'est monté à 17 euros le carnet. Par exemple, le 150 à la mairie, comme il y a tout le temps la police, ben jusqu'à ils ramènent la police des fois. Quand vous prenez des petits jeunes de 15-16 ans, on se retrouve en garde à vue, on va dire... Ouais, genre, ils vont avoir comment ils s'appellent les parents, on perd du temps, faut c'est trouver bête. Le nom, tout ça. Pour une petite amende, franchement, non. Un ticket, ça coûte pas cher, ça coûte 2 euros, d'accord. Et encore, ça a augmenté. Et maintenant, ça a augmenté, mais déjà que 2 euros, les élèves voulaient pas les payer. Franchement, il y a des gens, c'est pas une ville de riches, quoi. C'est pas une ville de riches, c'est une ville où... Elle n'est pas non plus pauvre, mais y a des gens qui n'ont pas les moyens, ils vont pas tout le temps sortir avec de la monnaie sur eux. Du coup, par exemple, moi, des fois, ça m'est déjà arrivé de me faire contrôler, de donner une fausse adresse, parce que j'ai pas 2 euros sur moi. Du coup, je vais pas me dire, je vais acheter un ticket pour faire 2 arrêts. Et du coup, je trouve ça bête qu'on nous demande de payer 50 euros sur place, ou s'il y a les policiers, on doit partir avec eux, comme si on avait commis un crime, genre vraiment... À la limite d'avoir volé quelque chose, voilà. Je suis désolée. D'accord, c'est voler l'État, entre guillemets, mais quand même, mais quand alors, c'est des petits jeunes, ça se fait pas. Mais l'État nous vole pas mal, donc si on pourrait voyager sans payer... On paye sûr. C'est, ouais, si on pouvait, excusez-moi, si on pouvait voyager sans payer, voilà quoi. Mais franchement, les trottinettes, je trouve ça rentable. Parce que par exemple, je crois que c'est 2 minutes à 20 centimes. Je sais plus trop. C'est pas cher. Si on avait ça à Aubervilliers, on prendrait pas du tout le bus. Je pense que le métro, il changera beaucoup la manière de se déplacer à Aubervilliers. Et les trottinettes, je pense que ce serait un bon moyen de transport. Parce que là, vu qu'ils nous les mettent loin de nous, qu'à Paris, etc., ben, ils nous mettent à l'écart, par exemple, à cause du 9-3. On est obligé de les casser, de les voler, de les... Comment j'ai, par exemple, il y a maintenant des applications, des trucs pour les décoder sans les payer, etc. Ben, on est obligé de faire ça, alors que si nous les mettrions ici, ben, on ne va pas les casser pour 20 centimes de 2 minutes d'une trottinette. On n'est pas non plus des malfamés. Du coup, voilà.